jardin. À la fin d'une danse, les quatre demoiselles se dirigent vers l'estrade des musiciens. On dirait qu'ils sont de connivence. Le lutin luthier aurait-il dévoilé le secret ? Annabelle et Cyrella s'installent au piano. Ombeline prend son violon et enchante la salle. Puis, elle laisse la place à Azuriane qui étonne avec son son de sa balalaïka. Les quatre virtuoses se lèvent et s'inclinent devant le public réjoui. Les applaudissements retentissent longuement. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. À peine ont-ils franchi le seuil de la terrasse que les premiers bouquets du feu d'artifice embrasent le ciel. Les fées suivent le groupe, mais déjà se font discrètes.